Vous écoutez France Culture. Semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la musique pop à 50 ans de la venue à Paris des Beatles. C'était en janvier-février 1964, là où ils enregistrèrent d'ailleurs le titre Can't Buy Me Love. Demain, le documentaire de Patrick Boudet et de Véronique Samouilov nous racontera l'histoire de la pop française quand elle avait pour nom Triangle, Les Variations, Magma ou encore Ange. Mercredi, nous nous demanderons avec Anaïs Quien, Denis Laborde et Philippe Guimplovis comment est née la world music. Jeudi, nous nous interrogerons le concept même de la pop appliquée aux arts, avec notamment Perrine Kervran, Olivier Julien et Paco Mthielman. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous promener dans le Paris des musiques électriques entre 1974 et 1985 environ, en compagnie de Michel Ambarek, qui fut dans ces années-là journaliste musical pour le magazine Best, qui se vendait à la fin des années 70 à plus de 150 000 exemplaires chaque mois. Avec lui, nous allons cheminer de salles de concert en disquaires, partant de l'Olympia et en allant jusqu'au Palace, en passant par la rue d'Antin, siège du magazine Best, ou encore la rue des Lombards, là où se trouvait le disquaire Open Market, où on pouvait parfois croiser des personnalités comme Chrissy Hynde, celle qui fondera ensuite les Pretenders, ou encore de jeunes musiciens pas encore connus et qui s'appelaient alors, c'était au milieu des années 70, les Sex Pistols. Nous avons choisi de vous raconter une histoire passionnante, une histoire qui ne fait que débuter mais qui a déjà ses héros, Elvis, Johnny, les Beatles. Nous n'avons pas voulu nous limiter à retracer l'épopée des idoles. Ce numéro spécial n'est pas seulement une histoire de la pop musique, il est avant tout une évocation de notre univers qui est pop. Autour de la pop musique et grâce à elle, beaucoup d'événements se sont déroulés. L'avènement des radios pirates qui en 3 ans ont bouleversé toutes les traditions radiophoniques européennes. L'éclosion d'une mode vestimentaire nouvelle dont l'influence se répand maintenant sur le monde entier. La création par les jeunes et pour les jeunes de styles musicaux totalement originaux qui dominent actuellement toute la musique de variété. Un mode de vie moderne où les moins de 20 ans ont institué de nouvelles règles, ont trouvé de nouvelles satisfactions et de nouveaux espoirs. Par-dessus les barrières des langages et des cultures, la pop musique s'érige en une sorte de code universel. C'est ce qu'écrivait en ouverture d'un numéro spécial qui s'appelait Spécial Pop, dédié à Marshall McLuhan et à tous les artistes qui figurent dans ces pages, un certain Jocelyn Noblet. C'était en 1967. Alors c'est bien avant la période dont nous allons parler avec vous, Michel Ambarek, puisque vous commencez, vous, à devenir critique et à écrire dans le grand journal qui était le journal Best, donc en 1974. Mais ça dit bien ce que ce terme de pop musique, qui évidemment a été perverti depuis et s'est transformé en autre chose assez rapidement, porté pour la génération qui était la génération avant vous, en l'occurrence Michel Ambarek. Oui, absolument. Pop musique, c'est un mot que moi, quand je suis arrivé professionnellement dans cet univers, c'est un mot qu'on n'employait plus. On parlait de rock, rock voulant tout dire. Pour moi, le rock, ça va de Robert Johnson à je ne sais pas qui aujourd'hui, à Bess Hart. Voilà, c'est pop musique. En fait, tout ça correspondait aussi. Faut pas oublier 67, ça correspond aussi à du marketing, parce que sur les disques, en particulier les disques CBS, il y avait un sticker pop musique. Je le vois encore dans le coin droit en haut des albums CBS. Je me souviens avoir acheté un double, une compile de Al Cooper, Steve Hammer, des trucs comme ça. Et il y avait ce sticker pop musique. Un peu comme quelques années plus tard, on mettra le sticker punk sur tout un tas de disques qui n'avaient rien à voir. Les Dictators avec tous les autres, voilà, par exemple. Absolument, c'était vraiment un terme de marketing. Oui, d'ailleurs, Simon First, qui est un sociologue de la musique anglaise, quand il parle de pop musique, il dit généralement que pour distinguer la pop musique des autres musiques électriques et électroniques de ces années-là, on peut considérer que ce sont les musiques à fin commerciale, plus commerciales que toutes les autres, dit-il. Est-ce que tout compte fait, le rock était aussi une musique à fin commerciale? C'est des musiques pour jeunes, des musiques à danser. Oui, c'est populaire. C'est pop, ça veut dire populaire. Donc, effectivement, c'est à destination des masses. J'ai vu un documentaire il y a quelques années sur Arte dans ce documentaire, on expliquait que le rock and roll, faisait partie du plan Marshall. Donc c'était de la culture de masse, quoi, voilà. Alors, on s'est donné rendez-vous pour cette promenade en ouverture de notre semaine sur la pop musique avec vous, Michel Ambarek. On s'est donné rendez-vous d'abord à l'Olympia. Ensuite, nous irons dans d'autres lieux de Paris qui ont été les lieux que vous avez bien connus en tant que critique rock et critique de musique, donc dans les années 70 et les années 80. L'Olympia, c'était un endroit un peu particulier. On est dans le hall de l'Olympia, il faut le décrire pour ceux qui n'y seraient jamais entrés. Donc un carrelage qui peut ressembler à un carrelage de brasserie parisienne, pourrait-on dire, de ces petits morceaux de carrelage au ton ocre et au ton brun qui sont donc cassés en petits morceaux et qui sont répartis partout sur cette entrée. Une entrée assez longue qui permet d'entrer dans une salle dans laquelle nous n'entrerons pas, mais qui était à l'époque que vous l'avez connue, cette salle, au début des années 70, au milieu des années 70, une salle un peu déglinguée, dans laquelle on jouait à la fois Charles Aznavour ou les vedettes du musical à la française, et également les groupes de rock. Ouais, l'Olympia, c'était une salle où passaient vraiment beaucoup de groupes. C'est une salle, en fait, qui est devenue, pour moi, pour ma génération, l'Olympia, c'est avant tout... avant que je sois critique, c'était les Musicoramas d'Europe 1 qui étaient enregistrés là, diffusés le dimanche à 14h, je crois, ou 13h30, en début d'après-midi. Et donc, je sais pas, vers 67, 69, 70, quand j'étais encore lycéen, et l'Olympia, c'était une salle qui faisait rêver, quoi. Alors, on avait beau en avoir lu des descriptions, entendu des descriptions. Moi, la première fois où je suis rentré à l'Olympia, ce qui m'a surpris, effectivement, c'est que c'était quand même assez déglingué. À la fois les fauteuils, sur le côté gauche de la salle, il y avait des toilettes et il y avait des portes qui battaient. Ça puait un peu, quand même, quand on était assis de ce côté-là. Mais c'était une salle conviviale. Évidemment rouge, tout le monde le sait ça, mais on était installé très correctement et l'acoustique était formidable. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le rock n'a pas de salle spécifique. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui s'intéresserait à ces musiques qu'on dit actuelles, eh bien, il sait qu'il y a au moins les Zéniths ou des salles comme ça qui sont dédiées à ces musiques nouvelles, entre guillemets. Mais à l'époque, on s'installe dans les lieux qui existent déjà. Alors, ce sont des anciens music halls comme l'Olympia, des anciens théâtres qui servent de lieu d'accueil à ces musiques nouvelles. Le lieu d'accueil, le plus grand lieu de concert de l'époque, ce sont les abattoirs. C'est à Porte de Pantin. Et c'est un pavillon Baltar qui a été démonté au hall, transféré Porte de Pantin, où aujourd'hui il y a la Géode. Et c'était quand même là que se déroulaient 60% des gros concerts, quoi. C'est là que passent les Stones en 76. C'est là que j'ai vu les Who, j'ai vu Bowie, je me souviens plus, j'ai vu J.J. Kell, j'ai vu des dizaines de concerts aux abattoirs. C'était abominable comme ça, l'acoustique était nulle, c'était des concerts, c'était les fameux concerts KCP avec un service d'ordre... Kouski, Cauchois Production. Voilà, exact, avec un service d'ordre absolument odieux. C'est là que j'ai vu pour le premier concert de Bob Marley, c'était assez rigolo, le premier concert de Bob Marley en France, c'était aux abattoirs. Donc j'étais avec Jean-Pierre Leloir, le photographe, je me souviens. Et on était backstage et on était encadré par des gros balours balèzes blancs qui parlaient, qui se filaient des tuyaux pour partir comme mercenaires en Rhodésie. Franchement, je m'en souviens. Dans la salle, il y avait, je sais pas combien ça contenait de personnes, mais il y avait que des blacks. Et c'était un fabuleux concert. Mais avec Jean-Pierre, on était quand même un peu... Je sais pas comment dire, mal à l'aise, quoi. C'est le moins qu'on puisse dire, encadré par ces types qui étaient des malades. J'ai appris plus tard qu'effectivement, certains d'entre eux y étaient partis en Rhodésie et qu'ils y avaient laissé leur peau. Oui, c'était des combattants mercenaires, donc qui combattaient pour la Rhodésie et l'Afrique du Sud blanche, voilà, c'est ça. En l'occurrence, alors qu'il y avait le combat déjà lancé contre l'apartheid. Alors, tout de même, il faut dire que dans cette salle de l'Olympia, c'est ici que, en 1964, et d'ailleurs, on va célébrer ces temps-ci les 50e anniversaire de cet événement, eh bien, les Beatles s'installent. Mais c'est aussi que dans les années 72, 73, 74, que Lou Reed vient jouer, par exemple. Il vient de quitter le groupe du Velvet Underground. Et c'est ici qu'il vient jouer avec Steve Hunter et Dick Wagner, en l'occurrence Rock'n'Roll Animal. Qu'on retrouvera aux abattoirs avec Alice Cooper, ouais. Quasiment en même temps. Voilà, et donc dans une salle comme celle-ci, on peut se dire, on a à la fois la chanson traditionnelle, les yéyés, toutes les vedettes qui d'ailleurs, comme Sylvie Vartan, faisaient les premières parties des Beatles en 1964, mais on a aussi toutes les vedettes de cette musique qui est le rock'n'roll du milieu des années 70. Ouais, et Lou Reed, je me souviens l'épisode avec Rachel, c'était ici. Et alors ? Rien, c'est un travelot complètement fou. Parce que, évidemment, cette dimension qui n'est pas simplement une dimension musicale, mais une dimension du monde de la nuit, de la soirée, de la façon dont on passe ses soirées, c'est important quand on entre dans ce milieu de la pop et du rock de ces années 70. Ouais, c'est. Enfin, il y avait tout un rituel des concerts, c'est-à-dire que. Je sais pas. C'est un peu comme le match de rugby, quoi. Aller au match de rugby. Vous êtes aussi spécialiste de rugby. Ouais. Aller au match de rugby tout seul, c'est nul, quoi. On va jamais au match de rugby tout seul. On y va en bande. Avec des garçons, des filles, on y va en bande. Et après, on refait le match. Bon. Avant le match, on se prépare. Avant le match, on se prépare. On va au café de l'Olympia, par exemple, juste à côté d'ici. Alors, on va revenir. Oui. Le parcours pour l'Olympia commençait rue d'Aunou. On quittait Best, rue d'Antin. On passait rue d'Aunou, on s'en jetait un ou deux au Harris Bar. Et après, on venait au café de l'Olympia et c'est là qu'on se retrouvait, juste à côté, là. C'est là qu'on se retrouvait. Et puis, on venait donc en groupe, entre 4, 5, 6, 7, 8. Et on venait au concert. Mais il n'y avait pas vraiment de... Après le concert, on refaisait... Quand c'était à l'Olympia, on n'avait pas de lieu. Donc, on discutait un moment sur le trottoir et puis on se séparait. Mais c'était... Il y avait ce rituel du... Le rituel du concert voulait qu'on s'en jette quelques-uns avant le concert et qu'on discute du concert après. J'ai deux souvenirs d'Olympia vraiment magiques. C'est Willy Deville, parce que quand Willy jouait à l'Olympia, lui il y croyait vraiment, hein, et il était habité par le fantôme de Piaf et de Charles Dumont. Ouais. Mais je me souviens vraiment d'un concert magique de Willy Deville, et puis d'un concert de Tom Waits, qui n'était pas un très très grand concert, mais un concert extrêmement surprenant. C'était le début de sa période Brecht, opéra de Katsu et tout. Et donc, on n'a rien compris, quoi. On ne comprenait pas trop. Et en fait, ça ouvrait une période de 25 ans dans la carrière de Tom Waits, quoi. Oui, parce qu'en fait, ces vedettes que vous alliez voir et ces stars du rock, de la pop que vous alliez voir, Michel Ambarek, ils avaient à un moment ou à un autre dans leur carrière envie de faire autre chose que d'être simplement les successeurs de ceux qui avaient créé le rock'n'roll dans les années 50. Ils ont tous à un moment ou à un autre, dans des salles comme celle-ci ou dans d'autres salles, tenté des expériences théâtrales, des expériences avec d'autres types d'art, d'art plastique. On sait comment la fin de carrière de Lou Reed a été marquée par ces tentatives-là, par exemple. Ils ont toujours un peu surpris leur public. Ça a été une des particularités souvent de ces grandes vedettes, de vous avoir emmené ailleurs que là où vous attendiez qu'ils soient. Je ne sais pas trop comment répondre. Effectivement, le rock au sens large nous a emmenés à la découverte d'autres univers, de la littéraire, cinématographique, plastique. William Burroughs, les gens comme ça. Alors, est-ce que c'est... Je ne peux pas répondre à ça. Je ne sais pas si c'est eux ou si c'est entre nous en parlant, s'il y en a un qui a dit... Voilà. Je ne sais pas si... Mais c'est vrai que quand on interviewait... Ils avaient une culture qu'on n'avait pas à l'époque. Je ne dis pas que c'était des intellectuels, mais ils s'étaient intéressés, ils étaient plus vieux que nous. Ils s'étaient intéressés à des formes d'expression artistique qui nous étaient étrangères. Et ils nous en parlaient. Quand Lavillier, moi, me racontait le Brésil, qu'est-ce que je connaissais du Brésil ? J'en savais rien, quoi. Donc, effectivement, Ces artistes, nous, quand je dis nous, c'est ceux qui pouvions les approcher, c'était pas difficile en plus à l'époque, nous ont ouvert à d'autres formes d'expression artistique. Ouais. Je vous propose de quitter donc le hall de l'Olympia, extrêmement bruyant, on est devant le boulevard des Capucines, donc, pour rejoindre une rue peut-être un peu plus tranquille, celle de la rue d'Antin, oui, avec vous, Michel Ambérac. Alors, boulevard des Capucines, j'ai un souvenir qui, aujourd'hui, ça peut sembler complètement, je ne sais pas, mensonger. J'ai le souvenir d'une séance photo avec Elton John, boulevard des Capucines, avec le photographe de Best, le défunt, photographe de Best, Jean-Yves Legras, qui est décédé l'an dernier. Et à cette époque-là, Elton John, on pouvait tout lui demander. Je me souviens, on l'avait fait coucher sous une voiture. Il y avait que sa tronche qui dépassait du pare-choc. Jean-Yves, je crois que c'était une coccinelle. Jean-Yves était debout sur la coccinelle pour le photographier. Mais on lui aurait demandé de se rouler dans le caniveau. Il se serait roulé dans le caniveau, quoi. Deuxième étape avec vous, Michel Ambérac, de notre promenade dans le Paris des années 70, 80, autour des musiques populaires et du rock en particulier. On est 23 rue d'Antin, donc un quartier relativement chic. On est à deux pas de la rue de la Paix, de l'Opéra. C'est aussi un peu le quartier de la presse, parce qu'il faut se souvenir que dans ces années-là, toute la presse est répartie le long de la rue Réaumur. Voilà. C'est là qu'on trouve François, qu'on trouve l'Humanité, qu'on trouve les grands journaux qui sont... Des petites écuries. Le Figaro est derrière. L'Aurore. Voilà. Tous ces journaux sont là. Donc on est un peu dans le quartier de la presse des années 70, des années 80, traditionnellement le quartier de la presse. Et là, on est devant le 23 rue d'Antin, donc un immeuble relativement bourgeois, relativement chic. Et c'est pourtant là qu'était installé donc, le magazine où vous avez commencé à travailler en 1974, à savoir le magazine Best. Alors parlons un peu de cette presse qui était florissante, il faut le dire, dans ces années-là. Une presse qui gagnait pas mal d'argent et qui était une presse spécialisée dans ces musiques populaires, donc, et en particulier dans le rock. Best a été créé en 68, vous y arrivez en 74, il y a déjà plusieurs moutures de ce magazine. C'est quoi ce magazine à ce moment-là, en 1974-75? C'est vraiment les années où les ventes vont décoller avec trois choses pour Best. Avec le punk. Ouais, parce un peu plus tard, donc 77, 78. 76. Avec le punk, avec le reggae et avec le rock français. Ouais. Et ça nous a fait vendre des canards vraiment. Donc on a dû monter de 110 000 exemplaires par mois à... certains disent 185 000, moi j'ai pas le souvenir de 185 000, 165 000 exemplaires tous les mois. Oui, ça ferait rêver n'importe qui aujourd'hui dans la presse. Bon, je sais pas, je pense que les mensuels musicaux aujourd'hui, pour ceux qui se portent le mieux, ça tourne, d'après ce que je sais, entre 15 000 et 25 000 exemplaires. Quoi. Alors on trouve dans ces numéros de Best des années 70, on trouve des signatures comme Francis Dordor, comme ouais. Brenda Jackson, ouais. Une des rares journalistes femmes, la seule journaliste femme qui traite de musique populaire et de rock en particulier. On trouve évidemment Patrick Hudlin, qu'on trouvera plus tard dans la musique, puisqu'il fondera un groupe. Et il y avait Philippe Constantin qui était encore là. Alors moi, Constantin, je ne l'ai pas connu à Best. Il signait, c'est lui qui faisait le cours sous le pseudo de Peter Clafouti. mais je ne l'ai pas connu, travaillant ici. Et Philippe Constantin, qui sera ensuite un des découvreurs de Téléphone, Héritage Métis Foucault, et ces groupes-là dans ces années-là. Donc, cette période musicale-là permet, dites-vous, à ce journal de se distinguer des autres. On a cité le nom Oni de Rock'n'Folk, puisque années-là... Non, des conneries, ça. Non, mais pour les lecteurs, c'était vrai. Il y avait sûrement pas pour les gens qui écrivaient, mais on était soit Rock'n'Folk, soit Best, comme on était soit Cahiers du cinéma, soit Positif, j'imagine. Non, mais il n'y avait pas... Je ne sais pas qui a inventé cette histoire de guerre entre les deux journaux, parce que franchement, il n'y en a jamais eu. C'était, moi, j'avais des copains à Rock'n'Folk, Jean-Éric Perrin, c'était un copain, Laurent Chalumeau, il était tout le temps à Best. Ouais. Il était plus souvent à Best qu'à Rock'n'Folk. Thierry Chatin, on s'entendait... Non, voilà. Non, il n'y avait pas... Il n'y avait qu'un souci. Un souci entre Best et Rock'n'Folk, c'était la couverture. On essayait de savoir ce que Rock'n'Folk allait avoir en couverture, de la même façon que Rock'n'Folk essayait de savoir ce que Best allait avoir en couverture, pour ne pas faire doublon. On n'était pas sur le même créneau. Rock'n'Folk, c'était plus étudiant. Nous, on était plus ados, hard rock, voilà. Alors, le numéro 100 de Best, autant que je me souvienne, c'était en 76, avec Ringo Starr en couverture, si je me souviens bien. Je me souviens plus. Voilà. Donc, c'est un moment où ça commence à démarrer, justement, par la vertu de plusieurs musiques qui arrivent à ce moment-là. Donc, on l'a dit, d'abord le punk, qui naît dans ces années-là, 76-77. Ensuite, le rock français, avec des groupes comme Bijoux, qui viendront un peu plus tard, mais qui sont moteurs de cette histoire-là. Et puis, le reggae. Et en quoi ces trois musiques, justement, vont-elles sauver ce magazine? Non seulement le sauver, mais le faire prospérer au point que vous aurez 16 mois de salaire en tant que journaliste dans cette année-là, c'est ça? Alors, pour les permanents, oui, il y avait un mois double tous les trimestres. On vivait en note de frais. C'était nos limites pour les notes de frais. C'était d'ailleurs recommandé par le propriétaire de faire des notes de frais. Ça l'arrangeait, lui. Le journal lui rapportait beaucoup d'argent. Et le journal a décollé. Mais je pense que le journal a décollé à cause du rock français, du reggae et du punk. Parce que Rock'n'Folk a raté ces trois virages. Rock'n'Folk est passé... Et quand même passé à côté du punk, et passé à côté du... C'est-à-dire, bon, ils ont fait un truc une fois par an, ils en faisaient un, deux fois. Nous, c'était tous les mois, quoi. Le rock français, on a mis, on a mis Taxi Girl en couverture. Si je me souviens bien, Best a mis les New York Dolls en couverture, quoi, en 74. Rock'n'Folk était plus accroché à une clientèle californienne, californienne, amatrice de musique californienne. Et je crois que les ventes ont surtout décollé parce qu'on a collé à l'ère du temps musical. Ouais. Il y avait une équipe quand même vraiment ouverte sur des tas de musiques. Moi, quand Christian m'a demandé de venir comme chef des informations à Best, j'ai pas vraiment compris, quoi. Je comprenais pas pourquoi. Bon, alors il m'a expliqué qu'il avait trop de boulot, qu'il pouvait pas tout faire, etc., etc. Mais il m'a dit, en plus, c'est parce que t'aimes des choses très différentes et donc je cherche quelqu'un comme ça pour animer l'équipe de pigistes. Et qu'est-ce qui faisait la jonction entre tout ça? C'était l'amour de ces musiques-là? C'était le fait qu'on était curieux d'abord? Il y avait une grande curiosité. Parce qu'en même temps qu'on travaillait, parce qu'on travaillait vraiment, on faisait pas un fanzine, hein, on faisait un vrai mag avec un chemin de fer, avec une semaine de bouclage, les NMPP dans les reins et livré à telle heure et tout. Bon, on passait quand même beaucoup de temps dans les magasins de disques, parce que même s'il y avait des services de presse qui arrivaient toute la journée, il y avait des tas de trucs en import, etc., etc. Et donc on fouinait, on cherchait, on essayait tout. Il y avait même une sorte de compétition entre les journalistes pour qui allait... Il y en avait un qui allait revenir avec trois albums de chez Capricorn, par exemple, des trucs complètement obscurs, et puis dire, vous avez écouté ça, le rock sudiste, ces machins-là, Wet Willy, personne connaît. Donc tout le monde... Voilà, il y avait une vraie curiosité. C'est un métier qu'on pouvait pas faire sans passion. Et il y avait la passion de la musique, de cette musique qui, en gros, à partir du moment où ça faisait remuer le cul, ça nous intéressait. Alors, on va quitter ce 23 rue d'Antin, donc qui était le siège de ce magazine Best où vous travailliez, Michel Ambaric. Et peut-être, puisque vous avez suggéré cette question des disquaires, on va filer du côté de la rue des Lombards, qui n'est pas si éloignée à pied, s'écarter de l'itinéraire qu'on avait prévu pour rejoindre un des disquaires les plus célèbres de ces années-là, pour parler justement de cette façon dont on se nourrissait des disques venus de l'étranger. Why not just get together and live in one love and one unity, you know? Rebel in the morning, rebel in the evening too. Now don't you be like a devil when I play with songs called a rebel, rebel, rebel. And hear what I say, let you be loved. See the morning sun on the inside. Nothing in this world they could I never do. Nothing in this world. Never, never to stop, not to dread from living up, y'all. Said I'm a living man and I got a lot of work to do. Alors on se trouve avec vous, Michel Ambaric, donc rue des Lombards, près des anciennes halles. On a traversé pour venir du quartier où nous étions auparavant. On a traversé depuis la rue d'Antin les anciennes halles qui ont été profondément transformées, qui ont été de ces quartiers populaires qui ont servi à une époque de lieu de concert, puisque je crois qu'il y avait des concerts qui s'étaient tenus avant la rénovation du Forum des Halles, qui s'étaient tenus dans les anciennes halles Baltard, par exemple. Il y avait la librairie Parallèle, une librairie underground qui existe encore aujourd'hui dans ces quartiers qui n'étaient pas très chers à habiter, puisque c'était des quartiers souvent assez insalubres. Et ici, donc, rue des Lombards, au niveau du 62 ou du 64, enfin dans cette portion de la rue des Lombards, il y avait un disquaire dont vous vouliez nous parler. Oui, qui a été un disquaire extrêmement important dans la vie musicale parisienne, c'est l'Open Market. L'Open Market, c'était le patron s'appelle Marc Zermati. Je le vois encore de temps en temps. Et donc, il tenait cette boutique de disques il tenait ce magasin de disques qui n'était pas réellement un magasin de disques, qui était à la fois... Alors, Marc ne vendait que les disques qu'il aimait. Toute la musique qui tournait autour de cette double compilation qui s'appelle Nuggets. Voilà. Il vendait du rock punk. Punk, il faut définir ce que c'était. Ça allait des New York Dolls à Clash, mais aussi remonter dans le temps des gens comme Todd Rundgren et puis les groupes les Sonics, les Seeds et compagnie. Alors, ce magasin était... ça faisait tout. Ça faisait tout l'Open Market. Ça faisait dernier salon où l'on cause. Lieu de répétition, parce qu'il y avait une cave dans laquelle j'ai vu répéter avec un groupe français qui s'appelait les Frenchies et qui à une époque a eu je vais avoir du mal à retrouver le nom. Il y a une américaine de Akron qui a chanté avec les Frenchies. À l'époque Divo, quoi, donc qui était elle aussi de Akron, ouais, dans l'Ohio. Voilà, elle a eu un groupe après, ils sont tous morts d'overdose dans son groupe. Mais si, elle est super connue, une grande brune, assez jolie. C'est pas Siouxsie. Non, c'est une américaine. Ça me reviendra peut-être tout à l'heure. J'ai vu Alain Pacadis partir d'ici comme tour manager de Eddie and the Hot Rods. Donc, il faut quand même décrire l'Open Market, qui était un endroit assez désert, avec une centaine de disques qui se battaient en duel dans les bacs. Il y avait deux énormes baffles, des JBL peut-être, qui crachaient du son très très fort, avec un chat qui était assis sur un des baffles. Je suppose que le chat était sourd, parce qu'il encaissait du Iggy Pop toute la journée. Et puis peut-être qu'il reniflait des trucs pas catholiques, le chat. Et à l'Open Market, il y avait un appartement au-dessus. Je me souviens de la date exacte, mais pas de l'année. Un 24 décembre, je suis passé à l'Open Market pour récupérer l'album de Terry Stamp. Terry Stamp, un album qui s'appelait, que j'ai toujours, qui s'appelle Fat Stick. Et Terry Stamp, c'était le chanteur d'un groupe anglais qui s'appelait Third World War. Et donc, je suis passé, je devais récupérer ce disque, je passe. Et j'achète le disque, je le paye. Et Marc me dit, il y a Malcolm McLaren qui est en haut, avec deux Britons. Tu veux pas monter, il a une cassette. Bon, voilà. Et donc, je suis monté, il y avait deux viandes pâles qui étaient écroulées sur un canapé, là. Il y avait McLaren. On a écouté une cassette qui était vraiment complètement pourrie, ça avait aucun sens. Ça lui donnait quelque chose. Voilà. Non, pourri, c'était putain. Nul, quoi. On écoutait ça sur un mini cassette Philips, c'était nul. Mais il avait des photos, et les photos, elles donnaient vraiment. Vraiment, les photos, elles crachaient, il y avait quelque chose dans ces photos, et en fait, c'était les Sex Pistols. Donc Johnny Rotten qui était là ou c'était... Je sais plus. Non, franchement. Je peux pas dire qui était là. Les deux gamins qui étaient là, c'était des gamins quoi. Les deux gamins qui étaient là, je m'en souviens plus. Je pourrais pas les identifier. Mais je me souviens de ce 24 décembre. Alors ça doit être 75, je pense, quand on recoupe. Ça doit être 75, mais j'en suis pas sûr. Quoi. C'est juste avant God Save the Queen et donc le début de la ouais, carrière des Sex Pistols. Voilà, c'est dans ces années-là. Mais l'Open Market, c'était le rendez-vous, donc on y voyait Yves Adrien, on y voyait Pacadis, puis des Henri Paul, des tas de gens qui gravitaient autour de ce rock très électrique, assez binaire. Punk, si on remonte en référence à la double compilation Nuggets, voilà, c'était un lieu que j'aimais beaucoup, voilà. Alors, il faut dire que quand il y avait des itinéraires, non seulement de salles de concert, non seulement de bars avant et après les salles de concert, non seulement de restaurants dans lesquels on se retrouvait, mais il y avait des itinéraires de disquaires aussi. Évidemment, la profession de disquaire étant totalement sinistrée aujourd'hui, on ne s'aperçoit pas quelle était l'importance des disquaires dans une ville comme Paris, ouais. Et de la façon dont on pouvait se procurer des disques, parce qu'évidemment, il y avait des disques qui étaient moins célèbres que d'autres, des petits labels, des choses qui venaient d'Angleterre ou des États-Unis et qu'on voulait absolument avoir. Comment ça se passait, circuler disquaires? On attendait, il y avait des alertes en disant voilà, un tel ouais. a reçu un contingent de disques qui venait d'un autre endroit. Comment ça se passait? Il y avait des alertes. Moi, je fréquentais beaucoup, il y avait un magasin de disques que j'aimais beaucoup, c'était Musique Action au Carrefour de l'Odéon. On était plusieurs à fréquenter Musique Action. Alors, on courait beaucoup après les cut-outs. Qu'est-ce que c'était, les cut-outs? Alors, les cut-outs, c'était... Philippe Garnier, on a fait un bouquin qui s'appelle « Les coins coupés ». Donc, les cut-outs, c'était des disques avec les coins coupés ou un poinçon en haut à droite. C'était des fans catalogues, quoi. Je ne sais pas comment appeler ça. Des disques qui ne s'étaient pas vendus à l'époque, mais qui étaient devenus, au fil du temps, des trucs des années, on va dire, des 65-67, mais qui étaient devenus les Shadows of Night, par exemple. Je suppose que quand c'est sorti, ils en ont, je ne sais plus quelle maison de disques, elle n'a rien vendu. Sauf que c'est resté dans les stocks, et que 10 ans plus tard, ou 8 ans plus tard, c'est des disques qui sont passés de 24-25, le 33 tours à l'époque, ou 26-50, je ne sais plus, mais qui s'est tout de suite monté à 60 francs, 70 francs. Quoi. C'était devenu des trésors. Voilà. Parce que ce qu'on oublie, quand on s'intéresse à ces musiques-là, on le sait, mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'effectivement, il y a des redécouvertes régulières de catalogues anciens que quelqu'un va redécouvrir dans un catalogue des années 50 ou des années 60, un morceau ou un type de morceau qui va servir à recréer ou refonder la musique actuelle de ce moment-là. Et ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose... on se redonne des racines régulièrement. Mais, oui. Ce que vous dites est vrai. Mais il ne faut pas oublier que nous étions nous-mêmes très jeunes et que nous remontions le temps personnellement. C'est-à-dire que quand cette double compilation Nuggets, qui est vraiment importante dans l'histoire du rock, quand elle sort, la moitié des groupes, on les découvre. On ne savait pas, on ne connaissait pas l'existence. C'était qui ces groupes? Il faut remonter tout Nuggets. Il y a, je sais plus, la compilation, il y en a 36 dessus. Mais c'est surtout Shadows of Night, les Seeds, Frost, des trucs comme ça. Donc, on remonte le temps au fil, effectivement, d'une réédition et on découvre ce rock américain de 1965 qui n'a eu aucun succès. Rocky Erickson, par exemple. Rocky Erickson, c'est monstrueux, quoi. Aujourd'hui, tout le monde connaît Rocky Erickson. Tout le monde. Non, mais franchement, ne pas connaître Rocky Erickson, c'est, voilà. On est à la limite de la faute professionnelle, là. Bon. Mais à l'époque, on tombe du placard quand on découvre ce malade mental qui a quand même passé 30 ans en hôpital psychiatrique. Mais qui est, bon, c'est Rocky Erickson, aujourd'hui, c'est une star, quoi. Alors on va quitter donc cette rue des Lombards et on va remonter, si vous voulez bien, pour une nouvelle étape de notre promenade dans Paris, dans ce Paris des années 70 et 80 que vous avez si bien connu, Michel Ambarek, autour de ces musiques populaires. On va remonter du côté du Palace, ouais, qui était aussi une des grandes salles, ouais, et on expliquera pourquoi, de concerts de ces années-là. Dernière étape de notre promenade dans le Paris du rock des années 70 et du début des années 80. Avec vous, Michel Ambarek, on est donc du côté des grands boulevards, au croisement du Faubourg Montmartre et des grands boulevards, à savoir, on a en face de nous le Chartier, le fameux Bouillon Chartier, on a à gauche le café Le Brébant, grand café parisien, et puis ici on est dans le hall d'un ancien music hall devenu théâtre, qui est le Palace. On voit encore les décorations en stuc, d'ailleurs, de ce lieu. Et pourquoi le Palace et l'environnement du Palace était un environnement important pour ce milieu du rock? D'abord, on est dans un endroit où j'ai failli débuter ma carrière de journaliste, c'est-à-dire on est à côté de l'ancien siège de l'Équipe. J'ai failli, j'aurais pu. Alors, le Palace, vraiment, oui, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de concerts au Palace. Et les concerts au Palace donnaient lieu à un rituel, avaient vraiment un rituel, c'est-à-dire qu'on se retrouvait au Brébant, ouais, au coin là, du boulevard. Grand café parisien. Grand café parisien. Donc le regroupement des rock critiques avait lieu au coin. Après quoi, on venait au concert qu'on passait quand même passablement au bar. Ouais. Et puis, après le concert, il y avait le débriefing du concert qui se passait en face au Chartier. Au Bouillon Chartier, voilà. Donc restaurant populaire, ouais, encore populaire, pas cher, dans lequel... Avec des prix qui étaient... ridiculement bas. Oui, mais pas par rond en plus, genre... 2,63 €. Voilà, pas 2 euros, c'était des francs à l'époque. Et donc, je ne sais pas... Le poireau vinaigrette coûtait 1,28 €, c'était assez drôle. Alors, ça veut dire qu'il y avait donc ces lieux de rencontre à Paris, mais quand on travaille dans un journal comme Best, on doit travailler sur la France entière, voire sur l'Europe entière. La particularité de Best, c'était de faire des numéros spéciaux sur des villes en particulier. Oui. Donc, on se déplaçait dans d'autres villes, on allait voir ce qui s'y passait, et il y avait un rôle de découvreur, c'est-à-dire qu'on n'était pas simplement là pour rendre compte des vedettes à la mode, mais on allait chercher des groupes qui pouvaient devenir des vedettes de demain. Oui, alors voilà une des raisons qui explique la montée des ventes de Best, c'était effectivement tous les mois cette rubrique, qui était même plus qu'une rubrique, hein, parce que c'était un 6 pages, ouais, 6-8 pages, rock à Nantes, rock au Havre, rock à Strasbourg, rock à Toulouse, rock à Bordeaux, rock à Marseille, rock à Lyon. Rock à Belfort. Voilà, voilà. Donc, j'ai effectué beaucoup de ces reportages. On allait dans une ville où, auparavant, on avait contacté quelqu'un qui était un peu au centre un disquaire ou un animateur d'une salle qui était un peu au cœur du rock dans cette ville. Et puis, il organisait, pour le journaliste de Best, il organisait un ou plusieurs concerts, parce qu'on restait... trois, cinq jours, une petite semaine. Et il organisait donc des concerts, ce qui nous permettait de faire alors les photos qui étaient très importantes, mais aussi un reportage assez long pour parler des groupes de ces villes. Je ne me souviens plus exactement du nombre d'exemplaires. Je me souviens que d'un des deux chiffres. Quand on faisait, exemple, quand on faisait Rock à Nantes, on augmentait les ventes sur Nantes de X milliers d'exemplaires. Je ne sais pas, on va dire 5000 exemplaires. Et on fidélisait 30% de ces 5000. C'est-à-dire qu'en gros, on gagnait 2 à 3000 lecteurs définitivement dans cette ville. Dans cette ville. Oui, donc ça nécessitait à la fois, c'était à la fois un investissement, mais c'était aussi de très bonne rentabilité pour un journal comme celui-ci. En plus, on faisait fabriquer des affichettes spéciales qui étaient placardées dans les kiosques de la ville. Est-ce qu'il y avait des villes qui apparaissaient aux yeux des critiques comme vous, Michel Berrec, comme des villes plus rock que d'autres? On a dit Rouen, Le Havre, Belfort. Il y avait des villes où tout était... Rouen, Le Havre, Lyon, Bordeaux. Voilà, là, il y avait un vrai... Des scènes, ce qu'on appelle. Oui, il y avait des scènes, il y avait des endroits pour jouer. Il se passait vraiment quelque chose, oui. Alors, ça, c'est au niveau national, et puis à le niveau international. Des salles comme le Palace, évidemment, sont des salles dans lesquelles on accueille des groupes qui viennent d'ailleurs. Mais il y a aussi un circuit international qui est ce circuit qui démarre en Grande-Bretagne, quelquefois aux États-Unis, qui se termine en Allemagne ou qui commence en Allemagne. Ça, c'était aussi une autre des particularités de ces scènes de ces années 70 et des années 80. Ces groupes font des tournées et on va les voir avant qu'ils n'arrivent en France. Oui, c'est... Ouais. Il faut comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire que en presse écrite, il n'y a que Best et Rock & Folk, donc on est quand même les maîtres du marché, et les reportages, on apprenait des dates de tournée, et on appelait la maison de disques et on disait, on veut aller voir Led Zepp à Francfort, à Dortmund ou en Angleterre ou même aux États-Unis. Et là, on négociait avec la maison de disques. Alors, c'était soit plein pot, c'est-à-dire elle payait tout, soit c'était 50-50, c'est-à-dire que la maison de disques payait le billet d'avion, le journal payait l'hôtel. Mais on essayait de devancer effectivement l'événement en allant au-devant de la tournée avant qu'elle arrive en France. Alors, évidemment, ça pose la question de la promotion. Quelle place y a-t-il pour la critique dans des journaux comme ça? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des journaux qui sont des journaux de fans, ou est-ce que ce sont des journaux qui disent généralement que du bien de ce qu'on écoute, ou est-ce qu'au contraire, il y a une place pour la critique? Est-ce comment on se débrouille là, avec ça? Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Non, parce qu'il y a eu des embrouilles avec les maisons de disques, c'est-à-dire que le journaliste qui allait voir XY à tel endroit et ça a coûté tant, il a détesté, il l'a écrit, l'interview, ça s'est mal passé et il l'a raconté. Alors après, il y avait le boycott, puisque c'est comme ça, on vous retire 4 pages de pub le mois prochain. Et on partait d'un principe, qui est un principe d'histoire de la presse. Ok, vous retirez votre pub. On négocie. J'ai jamais vu une négociation sur la pub, jamais, parce que on sait que dans ces cas-là, où il y a une clientèle d'acheteurs captive, c'est toujours l'annonceur qui revient. Et quand il revient, il n'y a pas de rabais sur la pub. C'est aux conditions de. Non, non, c'est plein pot. Ouais. Ça se négocie pas la page, parce que les pages, ils les négociaient eux. Tu me fais 30% sur le tarif. Il y a le tarif officiel, il y a le tarif. Non, quand ils reviennent, c'est plein pot, pendant 2 mois. Voilà. Et c'est comme ça qu'on tient, le marché d'une certaine façon. J'ai jamais vu la rédaction plier devant la pub. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est que par rapport à aujourd'hui, on est dans une époque de relative pénurie. C'est-à-dire pénurie du nombre de journaux, pénurie du nombre d'émissions à la radio et à la télévision, Et on a l'impression aussi que c'est une petite fraternité qui se tient les coudes, parce que tout compte fait, entre Antoine Decaune, qui commence à faire des émissions à la télévision dans ces années-là et qui promeut justement le rock et les nouvelles musiques, des journaux comme Bess, des journaux comme Rock'n'Folk, des émissions de radio de Patrice Boisfancard ou d'autres à la radio, eh bien, on a intérêt à se serrer les coudes, parce qu'au bout du compte, on n'est que quelques-uns à défendre ce type de musique. Est-ce que vous avez cette impression-là, Michel Ambarek, ou pas ? On était très peu nombreux à savoir et à avoir les réseaux dans les maisons de disques, les réseaux avec les tour managers. La situation était comme ça. Après, il y a eu l'explosion de toutes ces musiques avec les radios libres, avec les clips à la télé, avec voilà. Et là, le marché, ça. Oui. Bon, ça a complètement explosé. C'est devenu totalement différent. Je suppose qu'aujourd'hui, pour interviewer Neil Young, il faut envoyer 40 mails, 60 fax, la photocopie du passeport biométrique et compagnie. Alors que je me souviens d'une scène de ce truc, du concert de Neil Young aux abattoirs, où l'attaché de presse à la sortie dit « Si vous voulez le voir, il bouffe dans un petit resto à côté de la gare de l'Est, il est tout seul, il s'emmerde, donc si vous voulez aller le voir, allez le voir. » Voilà, c'était comme ça. Et donc ça n'a rien à voir avec les sommes qui ont été mises en jeu ensuite avec l'industrie du disque, l'industrie du clip, l'industrie de la vidéo, etc., qui se sont greffées par-dessus et qui font qu'aujourd'hui, effectivement, tout cela est protégé par des services de communication extrêmement puissants. Oui, ben on est passé du journalisme à la com, quoi. C'est-à-dire que j'ai déjà connu ça juste à la fin, là, vers 83. Il y avait déjà des gens qui, pour les photographes, il n'y avait pas plus de 3 chansons où ils pouvaient faire les photos. Après, il y a eu les artistes qui voulaient maîtriser leur image, c'est-à-dire qu'ils voulaient imposer les photos aux journaux. Mais encore, là, on tenait encore le marché, donc on pouvait... Nous, on ne met pas ça en couve, on s'en fout, on a assez d'essais. Alors, écoute, franchement, et voilà, c'était comme ça, c'était à prendre, take it or leave it. Voilà. Et donc, à la fin, cette presse rock que vous avez quittée dans ces années-là, en l'occurrence, pour faire autre chose, Michel Ambarek, est une presse qui est encore prospère, mais qui va connaître assez rapidement le déclin. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus grand-chose de cela encore disponible. Tout se passe sur des blogs, sur Internet, etc. Mais il n'y a plus véritablement cet esprit qui était issu des amateurs, des fanzines, qui avaient grandi en pouce dans les années 70 et les années 80. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, quand on regarde un kiosque, il y a énormément de revues sur le rock. Mais c'est très segmenté. Très segmenté. Revue généraliste, je ne sais pas ce qui reste, il reste Rolling Stone, moi j'aime beaucoup, parce que ça parle d'une musique qui me parle. Il reste Rock et Folk, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Pour le reste, c'est vrai que, en ce qui concerne la musique que j'écoute, parce que je passe ma vie à écouter toujours de la musique, Internet a complètement révolutionné les informations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve tout. Sur des blogs, moi je trouve tout sur des blogs américains. J'écoute beaucoup d'Americana, beaucoup de blues, et je connais les sorties de disques, les dates, je connais les dates de tournée, les interviews, voilà, tout est sur Internet. Alors, il y a quelque chose qui pourrait poindre et qui n'est pas arrivé dans notre discussion avec vous, Michel Ambarek, c'est la nostalgie. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tous les lieux qu'on a parcourus sont des lieux disparus. Ici, le Palace existe encore, l'Olympia avec lequel on a commencé existe encore, mais ils n'ont plus tout à fait les mêmes vocations qu'à l'époque où Lou Reed ou des grands groupes de ces années-là venaient y jouer. Et en fait, beaucoup de ces endroits, disquaires, il n'y en a plus, cafés de nuit, il y en a de moins en moins dans une ville comme Paris. Ça pourrait pousser à la nostalgie, et vous ne l'avez pas, cette nostalgie, en l'occurrence. J'ai aucune nostalgie, ça a été une... Vraiment aucune. C'est... La nostalgie est un sentiment qui m'est étranger. Ça a été 10 années magnifiques que nous avons traversées en toute inconscience de traverser une période qui s'inscrirait un jour dans l'histoire. Ça a été donc 10 années magnifiques. On a bien rigolé, on a beaucoup voyagé, on a mené la vie qu'on voulait mener. Moi, après, je suis passé complètement à autre chose. J'avais envie d'autre chose, d'une autre forme de journalisme que j'ai pratiqué pendant 20 ans. J'en suis sorti il n'y a pas très longtemps. J'en ai aucune nostalgie non plus. La vie se fait de cycles. J'ai eu le bonheur de pratiquer le journalisme que j'aimais. J'ai eu la chance de travailler sur des sujets qui me passionnaient, la musique, les faits divers et la justice après, de travailler sur le rugby comme écrivain pour Libé, où on m'a fichu une paire royale de pouvoir écrire ce que je voulais. Non, j'ai aucune nostalgie, de rien. Et d'écrire des polars maintenant. Oui, et d'écrire des polars maintenant, c'est-à-dire d'avoir une vie solitaire et d'une grande tranquillité à la fois. Après avoir été dans le bruit et la fureur du rock'n'roll pendant 10 ans. Pas pendant 10 ans, parce que le bruit et la fureur du rock'n'roll continue toujours. Ma première idée, le matin, après avoir écouté les infos, c'est avec quelle musique vais-je commencer ma journée ? Et là, vous avez commencé avec quoi ce matin, par exemple ? Ce matin, avec Ray Cooder Live. Voilà, l'album, le dernier album. Et puis un peu de Elton John, parce que le dernier album aussi. Et puis, voilà. Merci, Michel Ambarek. Et si on veut en savoir plus, on pourrait lire... on le trouve encore, le livre que vous avez écrit, justement, ces souvenirs de ces scènes à l'écaillé, justement. Ça s'appelle « Rock en vrac », paru à l'écaillé il y a 2 ans ou 3 ans. Et je pense que sur Internet, chez les disquaires, les libraires en ligne, on le trouve sans problème. Et peut-être même chez les bons libraires. Merci encore. Voilà, nous terminons cette balade dans Paris en compagnie de Michel Ambarek sur Controversy, un titre qui a été donné lors du premier concert de Prince en France. C'était au Palace, où nous étions avec lui à l'instant même, donc au Palace en 1981. Et puisque je sais que vous allez nous demander les titres qui ont été diffusés lors de cette promenade, sachez que nous avons commencé avec Gunslinger de Mink DeVille, nous avons continué avec U-Roy, le reggae man, donc Natty Rebel, et Coming Home Baby des Flesh Tones avant donc ce Controversy de Prince. L'émission, comme d'habitude, était préparée par Claire Maillot, Marie-Vanna Bolivier, Aurélie Marcet, prise de son Marc Garven en extérieur, donc dans Paris, et réalisation Séverine Cassard. Demain, vous pourrez écouter les aventures de la pop française quand les grands noms de la pop étaient Triangle, Les Variations, Ange ou encore Magma. Un documentaire signé Patrick Boudet et Véronique Samouilov dans La Fabrique de l'Histoire demain.